Georges Baume, Les amants maladroits. Chapitre 1. Les Guitoux en conférence. Depuis des générations, les Guitoux tenaient boutique de cordonniers à l'ombre de l'église paroissiale, dans la rue Saint-Jean, à Pézenas. En bas, sous les chambres du père et du fils, s'étendait, avec la cuisine, la boutique ombreuse et fraîche, embarrassée d'outils, de formes, d'escabeaux, de morceaux de cuir, où il était aussi difficile de se frayer un passage que de traverser sur des pierres le gué d'un ruisseau. Des murs épais, polis par l'usure, s'élevaient à la hauteur des coudes du côté de la rue. Sûrement, tout Pézenas s'était accoudé là pour flâner un moment, bavarder et rire. La porte à claire-voie, lourde, bardée de fer, demeurait toujours accrochée au milieu des murs. Les Guitoux n'étaient pas fiers. Cependant, ils avaient, à force de labeur et de sobriété, amassé des économies, une fortune presque dans leurs conditions. Mais, ayant sans le savoir la passion du jeu, ils la plaçaient sur des emprunts et la perdaient à mesure. Poètes à leur manière, ils projetaient une vie de bien-être dans un coin de leur campagne, à la clarté des verdures, au bord de l'Hérault. Emprisonnés du matin au soir dans leur maison, accroupis sur l'escabeau et penchés sur l'ouvrage, qu'eussent-ils fait de leur cœur, sinon des rêves, tout en tirant le fil, en frappant les morceaux de cuir sur leur bout de silex? Ils ne pouvaient, les pauvres, sortir que le dimanche, quelques heures d'après-midi. Ces braves Guitoux, on les voyait toujours ensemble, on les reconnaissait de loin. Tous deux, rasés, habillés de noir, luisant des pieds à la tête. Guitoux, le père, de taille moyenne et corpulente, la figure un peu rouge, des sourcils blancs aussi gros que des moustaches, et Luc Guitounet, qui, recroquevillé et balançant les bras, portait allègrement sa bosse renommée. Ce dimanche de mars, ils suivaient la route de Castelnau de Guerre en devisant de leurs affaires. Plus sérieux que de coutume, ils jetaient autour d'eux des regards d'inquiétude, comme pour demander à la plaine, au vaste ciel, un conseil et un secours. La route, à peine sinueuse, s'en allait paisiblement sous les platanes, puis se dressait vers le pont suspendu qu'une charrette ébranle de temps à autre. Sur les coteaux, de l'autre côté de la rivière, les olivettes couleur d'argent scintillaient de leurs cimes légères aux rayons pourpres du couchant. Dans les lointains, sur le clair horizon, émergeaient les clochers séculaires, les maisons blanches des villages qui se sont établis autour de Pézenas, aussi nombreux que des troupeaux parqués autour d'une bergerie. Le jour-là s'éloignait lentement. Dans la solitude, l'air devenait plus sonore. Aussi, les voix se détachaient distinctes d'un son de cristal, emportées par la brise qui caresse en passant la feuillée des platanes. Guitoux parlait. « Je ne dis pas, mon Luc, ton oncle Jérôme est peut-être plus fou que nous autres. »« Nous le sommes trop. »« Ma foi, je l'avoue. Cependant, nous ne devons rien à personne. L'argent que nous avons gagné, nous l'avons perdu, tant pis. Nous n'avons qu'à en gagner autant. »« Ah, nous n'en gagnerons jamais plus. Je crains que Jérôme ne nous entraîne dans ses misères. » »« Les Guitoux qui travaillent n'ont jamais craint la misère. » « Voyons, si je ne m'intéresse pas à ton oncle, qui donc lui prêtera assistance? Et puis je le laissais souffrir? Voilà qu'il nous implore maintenant dans ses lettres. Quand il a quitté Pézenas, il y a 5 ans, il nous toisait de haut. Il proclamait au monde, dans la rue, que bientôt il reviendrait avec de la fortune. Ne t'emporte pas, allons. Tu sais qu'ambition a toujours perdu les hommes. » « Oh, je ne suis pas méchant, seulement il y a des malheurs mérités. »« On ne peut contester, voyons, que ton oncle ne soit un honnête homme. »« C'est qu'il réclame le moulin de Roquemangarde. En faudra-t-il des billets de banque ?»« Tu exagères. En tout cas, nous prendrons des garanties sur les meubles. »« Je l'entends bien ainsi. » Si ce n'est pas pour lui que nous ouvrons le tiroir de notre buffet, que ce soit au moins pour ma nièce, cette jolie Périne qui est la fleur de la famille. Je ne dis pas, pour elle, oui. Si nous intervenons, que ce soit pour elle. Guitou se frottait les mains doucement, avec la satisfaction d'avoir enfin conquis son fils à ses idées de bien et d'espérance. Au fond, il ne lui donnait pas tort. Jérôme était un gaspilleur, un mange-tout, pire à lui seul qu'un vol de sauterelles s'abattant sur un champ de blé. Mais Guitou professait l'amour jaloux de sa famille, l'orgueil de son nom. Son frère, en se traînant de commerce en commerce, se déshonorerait tout simplement. Et ce déshonneur n'atteindrait-il pas tôt ou tard, dans sa considération et sa prospérité, l'ancienne boutique de la rue Saint-Jean? Au milieu du pont, les deux Guitou s'accoudèrent au parapet quelques minutes, le temps de contempler le paysage familier. La rivière se déroulait en courbe insensible, son large lit brillant de la moire verte des eaux, de l'or des petites grèves de cailloux, entre des touffes de peupliers, de roseaux et de frênes. Au moulin de Castelnau, en amont, une digue coupait le courant qui, blanchissant d'écume, dévale en mille brisures par bonds capricieux. Toute la plaine parlait par cette voie de la rivière où, sous les ombrages, l'ombre grise du soir s'accumulait déjà avec des vapeurs de verdures au lointain. Des barques trempées dans l'Hérault, attachées ainsi que des bêtes aux gros arbres du bord. Juste au-dessous de la digue, dans une crique oubliée par les remous, les Guitou distinguèrent le barco de Pataloco, leur grand ami, un pêcheur qui ne se repose que rarement, même le dimanche. Ils eurent du plaisir à rencontrer, dans la solitude, ce frêle esquif, Pataloco les promenait pendant une heure de la digue de Castelnau à la digue de Roquemangarde. « Ton oncle Jérôme, dit Guitou, a toujours aimé la rivière. Peut-être, dans un moulin, le mauvais sort l'abandonnera. À condition qu'il ne se mette pas à pêcher, à voyager sur des barques. Nous ne lui achèterons pas de barque, t'es. D'ailleurs, Périne sera là pour protéger son père contre les tentations de la paresse et de la dissipation. Ah, cette Périne, on compte beaucoup sur elle, si nous la trouvons semblable à son père. » « Je ne crois pas. Elle doit tenir de sa mère, qui était une des plus vaillantes lessiveuses de l'écorchoir. Pas moins, il y a longtemps que nous ne l'avons pas revue. La reconnaîtrons-nous? Ce serait drôle si elle nous arrivait mariée. Allons donc, nous en saurions quelque chose. Par exemple, tu serais vite attrapé. Tu sais bien que Jérôme a gardé vis-à-vis de nous un silence bourru, comme si nous avions contribué à ses détresses. » Il ne nous a écrit que pour se plaindre, et remarque que, dans ses lettres, il ne mentionne même pas une fois sa fille. C'est vrai. Vois-tu, il faut se méfier. Eh bien, si Périne est mariée, tant mieux. Deux hommes valent mieux qu'un dans un moulin. Tu as raison, après tout. Ayons pitié des aveugles qui ne savent pas se conduire. Les Guitou s'en retournèrent à Pézenas du même pas monotone.